Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73:28. Bonne condition d'écoute. Nous asseyons devant le Seigneur. Timbele Zabuana. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence à ces lieux. Tunambariki Bwana kwa ajili ya uwepo wenu mahali hapa. Nous sommes en train de parler du rêve de Dieu. Tuko tunazungumzia juu ya ile ambayo Mungu anatamani. Sur la terre. Hapa duniani. C'est à quoi Dieu veut arriver. Ile ambayo Mungu anapenda ifikie. Les résultats que Dieu veut récolter. Matokeo ambayo Mungu anahitaji yavune. Les retombées de son idée originelle. Matokeo ya ile wazo lake la kwanza. Sur la création de l'homme. Juu ya uumbaji wa mwanadamu. Prenez avec moi rapidement le Ézéchiel chapitre 47. Mtachukua pamoja nami haraka kitabu cha Ézéchiel sura 47. Nous avons parlé des standards élevés auxquels Dieu voudrait que nous puissions aller dans le domaine de notre nature, de notre système de fonctionnement ndani et dans le domaine de l'esprit. Ndani ya mitumikio yetu na ndani ya roho zetu. Ce texte parle andiko hili inaongelea du torrent qui sort du temple de Dieu. Juu ya mtu unaotoka ndani ya hekalu. Vous souviendrez que nous sommes venus de Dieu. Na mtakumbuka kwamba sisi tumetokea kwa Mungu. Notre origine est en Dieu. Chemchemu yetu, chanzo chetu kiko ndani ya Mungu. Nous ne sommes pas venus là juste comme au hasard. Hatukufikia tu hapa kiolela ama kwa kucheza tu. Et l'esprit de Dieu. Na roho wa Mungu. Voudrais que, en introduisant ce texte, ou ce message aujourd'hui, puissions juste jeter un coup d'œil sur quelques versets dans ce texte. D'abord, il y a les trois étapes ou quatre. Kwanza kuna kuwa hatua ine, du niveau du torrent, juu ya ngazi ya hii muto, c'est-à-dire, ya manisha. Le Dieu de la progression. Mungu wa maendeleo. Il nous amène quelquefois ou souvent. Mara natupeleka. Dans un schéma de progression. Ndani hatua ya kuendelea. Pour atteindre le standard élevé. Ili kwamba tufikie viwango vya juu. C'est pas un pouf. Haiko kama ni ghafla. C'est un développement. Lakini inakuwa ni kuendelea. C'est un travail. Inakuwa ni kazi. C'est un effort. Inakuwa ni kujikaza. C'est un sacrifice. Inakuwa ni kujitoa. C'est une conscience. Inakuwa ni dhamiri. Qui nous y amène. Ambayo inatupeleka huko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prendre conscience. Tunapaswa kuchukua dhamiri. De monter dans les standards élevés. Ya kupanda kwenye viwango vya juu. Pour rencontrer le rêve de Dieu. Ili kwamba tukute ile ambayo Mungu anayotamani. Il est écrit, me ramena vers la porte la maison et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison et à l'orient, car à la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Quand vous allez au verset 2, unapoenda kwenye shaili la pili, il est écrit dans la dernière partie, voici l'eau coulait du côté droit, et lorsque l'homme avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et mesura 1000 coudées, traversa l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Verset 4, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Verset 5, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'y amenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. L'eau est passée et la vie s'est répandue. La divinité, le contenu de Dieu a changé de situation. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra la plaine et entrera dans la mer. Lorsque ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Wakati mto huo utaingia ndani ya maji, maji ya bahari yatakuwa maji mazuri. Ce torrent, c'est l'image de l'esprit. Hii mto inakuwa ni picha ya Roho Mtakatifu. Mais aussi l'image du contenu divin. Lakini inakuwa picha ya inayokuwa ndani ya Mungu. Dans l'homme. Ndani ya mwanadamu. Et il est écrit au verset 9, et tout être vivant qui se meut vivra partout où le Torah coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Mahali pote ambapo ile maji yatapita, maji yatakuwa ni maji ambao ni maji mazuri. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15:45 partie B. Imeandikwa ndani ya Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 45. Que le second Adam, ya kwamba Adamu wa pili, est devenu un esprit vivifiant. Akakuwa roho anayepana uzima. Un esprit vivifiant. Roho anayepana uzima. Le second Adam, c'est Jésus. Adamu wa pili ni Yesu. Il est les prémices. Yeye ndiye malumbuko de ceux qui sont morts. Ya wale waliokufa. Prémices. Yeye ndiye malumbuko. Par rapport à nous. Kufuatana na sisi. La nouvelle alliance. Ndani ya agano jipya. Et donc, na ni kusema, nous sommes la descendance du second Adam. Sisi ni kizazi cha Adamu wa pili. Nous sommes la suite du second Adam. Sisi ni endeleo la Adamu wa pili. Et le second Adam était devenu un esprit vivifiant. Adamu wa pili alipokuwa roho inayetoa uzima. Parce que porteur de son père. Sababu alikuwa anabeba baba yake. Nous sommes appelés également. Nasi tunaitwa hivyo hivyo. À devenir des esprits vivifiants. Tuwe roho zinazotoa uzima. Alléluia. Amen. Des esprits vivifiants. Roho zinazotoa uzima. Il est écrit, des pêcheurs s'éteindront sur le bord depuis en Guédi, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux, ces marais, etc. Verset 12. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, et leur feuillage se flétrira point, leur fruit n'aura point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, frères, sœurs. Unaona ndugu na dada. Il y a quand même une sœur ou quelques sœurs. Kuna kwa wadada. Je peux saluer les sœurs. On accueille nos sœurs. Tunapokea wadada zetu. Les sœurs, levez-vous, on vous accueille. Wadada mnaweza kusimama. Il y en avait là-bas, walitoroka, wametoroka. Ah, il y en a une encore. Ok, levez-vous les sœurs, on vous accueille. Wadada msimame tuwapokee. Vous êtes bienvenus dans la réunion. Karibu sana. Accueillons les sœurs très bien. Tuwapokee wadada vizuri. Alléluia, soyez bénis. Mubarikiwe. Au milieu des hommes, piliers. Miongoni mwa wanaume nguzo. Vous êtes heureuses. Nyinyi mnaheri. Parce que vous avez des hommes piliers. Sababu mna wanaume nguzo. Vous avez quelqu'un sur qui s'appuyer. Mna mtu ambaye mnaweza kumtegemea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, ndugu na dada, nous voulons poursuivre ce soir. Tunatamani kuendelea jioni ya leo. Sur cette lancée. Ndani ya mwendo huu. Hier, jana, nous avons parlé du rêve de Dieu. Tulizungumzia ile ambayo Mungu anatamani. Et après avoir compris, perçu et intégré le rêve de Dieu en nous, na kisa kuona, kuelewa na kuingiza ndani mwetu ile ambayo Mungu anatamani, quelqu'un se poserait la question, mais pasteur, tu as dit en même temps que Adam a tout gâché par la chute. Kuna mtu ambaye anaweza kusema mchungaji, sumesema Adam amaribisha yote. Est-ce que c'était le rêve de Dieu au commencement? Je, ile ambayo ilikuwa maono ya Mungu kwa mwanzo. Est-ce encore possible aujourd'hui? Ingali inaweza kuwezekana tena leo? Est-ce que ce message n'est pas une utopie? Je, ujumbe huu haiko tu mafikiri? J'aimerais te rassurer. Ningependa nikuhakikishie. Si c'était une utopie, ingekuwa ni mafikiri tu. Dieu ne m'enverrait pas vous parler de ces choses. Mungu hangenituma niwaambie mambo haya. On peut acclamer le Seigneur parce qu'il a un rêve et il désire accomplir ce rêve. Tunaweza kumsengenya Bwana. S'accomplira. Sababu anakuwa na maono na hitaji kutimiza maono haya. Nous avons vu dans la nouvelle alliance. Ndani ya agano jipya. Paulo, rempli de Dieu, ambaye anajazwa na Mungu, marchant dans les cités et dans les chemins, anatembea ndani ya miji, son ombre guérissait les malades. Na kivuli chake kinaponya wagonjwa. Tumeona. Nous avons vu Pierre. Tumeona Petro. Dans les mouchoirs qui le touchaient, chassait les démons, guérissait les malades. Ambaye vitambaa vilivyomgusa vilikuza mapepo na kuponya wagonjwa. La plénitude de Dieu en lui. Sababu utele wa Mungu ndani mwake. Le transporteur de Dieu. alikuwa mbebaji wa Mungu, était en train de répandre les dieux qu'il transportait. Alikuwa anaeneza mahali pote Mungu ambaye alikuwa anabeba. J'aimerais mieux dire la puissance des dieux. Ningependa niseme uwezo wa Mungu ndani ya Petro. Était débordante. Ulikuwa unafurika. Elle vivifiait. Hata ulikuwa unatoa uzima. Voyez dans ce texte que nous venons de lire d'Ézéchiel. Ndani ya andiko hili tulilolisoma ndani ya kitabu cha Ézéchiel. Ce n'est pas différent. Haiko tofauti. Partout où l'eau passait. Mahali pote ambapo maji yalipita. Les plantes. Mimea. Était vivifiée. Ilikuwa inapewa uzima. La mer. Bahari. Redevenait fertile. Ilikuwa tena inaweza kuzaa. Les poissons apparaissaient. Samaki zilikuwa zinaweza tokea. La fertilité était répandue. Na mboleo ilikuwa inajaa. Paul, tu marches. Paulo unatembea. Mais quand tu marches. Na unapotembea. Il y a des gens qui ont la mort dans leur corps. Kuna watu ambao wana kifo mwilini mwao. Et la mort est touchée par la présence de Dieu que tu transportes. Na kifo hicho kinaguswa na uwepo wa Mungu ambao wewe unabeba. Et les hommes qui sont couchés sur des grabats et sur des lits. Na watu ambao wanalala kwenye vitanda. Sont affectés par l'ombre. Wanaguswa na kivuli. De l'homme. Ya ule mtu. En qui. Ambaye ndani mwake. Le Dieu vivant. Mungu aliye hai. Est rempli. Anajazwa. Dans un seuil élevé. Ndani ya kiwango cha juu. Vous savez. Unajua. Nous avons tous Dieu en nous depuis que nous avons reçu Jésus. Sisi sote tuna Mungu ndani mwetu tulipompokea Yesu. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Unaweza kumshangilia Bwana kwa ajili yake. Mais pour que ce Dieu. Lakini ili kwamba commence à se libérer de toi. Aanze kujiachilia ndani mwako. Ça demande un standard élevé. Naomba kiwango cha juu. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner. Ni hiyo ndio Mungu iko na. Ça demande un travail. Inaomba kazi. Un travail de fond. Kazi ya ndani. Qui nous permette. Ambayo inaturuhusu. Que le seuil de la présence de Dieu en nous. Ili kwamba kiwango cha Mungu ndani mwetu kipande. Jusqu'à ce que. Mpaka wakati. Il déborde. Ambapo atafurika. Jusqu'à ce qu'il déborde. Mpaka wakati atakapofurika. Frère, sœur. Ndugu na dada. Il faut que ça déborde. Il y a pas à et ça déborde par notre foi. Na, ça déborde par notre conscience. Ça déborde par diverses choses. Par le ministère. Mbali, ça déborde. Inafurika. Et il faut que ça déborde. Na, inaomba ifurike. Aussi longtemps. Zaidi, que tu es chrétien unabaki mukristo, et que le Dieu qui est en toi déborde pas. Na kwamba Mungu aliye ndani mwako, il y a encore un travail à faire. Kungali kazi ambayo unapaswa kufanya. Être gêné. Unapaswa kuwa unasikia vibaya. D'habiter à côté des défis et des problèmes qui ne bougent pas. Uishi karibu na tatizo na shida ambazo hazitikisike. Apporta Dieu en toi. Ijapokuwa unabeba Mungu ndani mwako. Seigneur. Bwana. As-tu voyagé? Je umesafiri? Es-tu en vacances? Je umeenda pumzika? C'est ainsi nous avons vu dans Hébreux 12, 1, 2, 3. Na hivyo ndivyo tuliona ndani ya kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 1 hadi 3. Jésus-Christ. Ya kwamba que Dieu se révélait maintenant par son fils. Ya kwamba Mungu amejifunua sasa qui est le reflet de sa gloire. Ambaye ni picha ya l'empreinte de sa personne. Na chapa ya utu wake. Par empreinte, comprenez. Kupitia chapa muelewe. Les marques de sa personne. Ni kusema chapa za utu wake. Les traces de sa personne. Ni kusema alama les za utu wake. Les influences de sa personne. Ushawishi wa utu wake. Le produit de sa personne. Matokeo ya utu wake. Christ. Christ. Empreinte de sa personne. Chapa ya utu wake. Le second Adam. Adamu wa pili. Empreinte de sa personne, la personne de Dieu. Chapa ya utu wa Mungu. Et nous ces petits frères. Na sisi wadogo wake. Nous avons la même vocation. Tunakuwa na wito huo. Être l'empreinte de Dieu. Ya kukua chapa ya Mungu. Être les traces de Dieu. Ya kukua chapa être za Mungu. La marque de Dieu. Kuwa chapa ya Mungu. Sur la terre. Hapa duniani. Et si nous ne le faisons pas. Na kama hatuifanye. Je vous ai dit au premier jour. Niliwaambia siku ya kwanza. Dieu est triste. Mungu anakasirika. Et malheureux. Na anasikia vibaya. Si longtemps. Zaidi. Que nous devenons son extension sur la terre. Wakati hatuja kuwa endeleo lake hapa duniani. Mais je bénis Dieu parce que quelqu'un a compris. Lakini nambariki Mungu sababu kuna mtu ambaye ameelewa. Et Dieu va cesser de pleurer à partir de na Mungu hatalia tena kuanzia sasa. Si tu crois avec moi, tu dis amen. Kama unaamini pamoja nami sema amina. Si tu le fais pas, Dieu le fera avec moi. Kama uifanye Mungu ataifanya pamoja nami. Il faut que Dieu cesse de pleurer. Inomba Mungu aache kulia. Dans Jacques chapitre 5 verset 17. Daniel Yakobo 5 mstari wa 17. Il est écrit, Élie était un homme de même nature que nous. Imeandikwa Elia alikuwa mtu kama sisi. Paul était un homme de même nature que nous. Paulo alikuwa mtu kama sisi. Jean de même nature que nous. Yohana alikuwa mtu kama sisi. Philippe de même nature que nous. Filipo alikuwa mtu kama sisi. Quand vous allez dans Actes chapitre 8 verset 5 à 8. Unapoenda ndani ya kitabu cha Matendo. Il est écrit Philippe descendit en Samarie. Il se mit à prêcher la parole. Nakaanza kuhubiri neno. Et descendant la ville de Samarie, prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe le diacre. Philippe, pas spécial. Et lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ils sont guéris par un diacre. J'aime le verset 8. Il est écrit, il y a une grande joie dans la ville. Si les êtres humains sont dans la grande joie dans la ville, quelle joie au ciel. Pour Dieu qui se rend compte que cette fois-ci, un être humain s'est levé et il m'a rentabilisé, moi Dieu. En fait, il y a un grand manque à gagner pour Dieu sur la terre. Nous comptons des multitudes de chrétiens sur la terre. Mais qui sont ces chrétiens qui répandent Dieu, qui permettent que Dieu, soit repéré, que Dieu soit révélé, que Dieu soit découvert, que Dieu soit attrapé. Pourtant Dieu nous envoie pour dire, écoutez, c'est par vous que le monde me connaîtra. Quand il appela Abraham, il dit, tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Il ne voulait pas dire, Abraham, tu vas distribuer l'argent aux nations. Il voulait dire, Abraham, tu seras mon transporteur sur la terre. Les mondes, les nations vont me découvrir à partir de toi et de ta descendance. Et aujourd'hui, la même attente de Dieu subsiste. Dieu attend qu'un homme pilier de l'arche, un homme pilier de Goma, se lève et parte pour répandre les torrent de vie, pour répandre la nature de Dieu, pour répandre la puissance de Dieu, pour distribuer les contenus divins sur la terre. Trouvera-t-il quelqu'un à la fin de ces trois jours? Quelqu'un peut-il dire, Seigneur, moi je suis ici. Moi je suis prêt. Mimi niko tayari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Pierre dans Actes chapitre 3 verset 5. Angalia Petro ndani. Il entre au temple. Anaingia. Et avant d'entrer, il constate qu'il y a un paralytique qui a fait plusieurs années là-bas. Anaingia ndani ya hekalu na nakuta hapa kuna kiwete ambaye amegawa. Et il dit au paralytique, anamwambia kiwete huyo, je n'ai ni argent ni or. Sina pesa ama dhahabu. Ce que j'ai, je te le donne. Nilicho nacho nakupa. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Simama na utembee. Et saisit ça par la main. Akimshika, il le fit lever. Akamsimamisha. Crac crac. Na hapo kwa ghafla, le paralytique est debout. Ule sautant, louant, il entre dans le temple et c'est l'émoi dans le temple. Qu'est-ce qui vient de se passer? Beaucoup de ceux qui ont cru à Christ, ou qui ont cru au Dieu d'Abraham, viennent tous les jours dans le temple, mais ils n'ont pas réussi à communiquer même un millimètre cube de la divinité. Ya umungu. à cet homme qui kwa est là. Huyu mtu ambaye alikuwa hapo kwenye mlango. Frère, sœur, ndugu na dada, les défis de ta vie, tu fais quoi avec? Matatizo ya maisha yako, les défis de ta famille, qu'est-ce que tu fais? Matatizo ya jamaa lako, les défis de ton quartier, tu fais comment? Matatizo ya kata lako, les défis de l'église dans laquelle tu pries, matatizo ya kanisa lako, comment tu vas faire? Unafanya nini pamoja nayo? Les défis de la nation congolaise, matatizo ya nchi ya Kongo, les défis des groupes armés, matatizo ya vikundi, les défis des insécurités que nous traversons, matatizo ya usalama mdogo tunaoishi. Quelqu'un Mungu anaweza kumpata mtu ambaye atapitia kupitia yeye, avec qui atteindre les objectifs, ambaye atafikia lengo zake, quelqu'un qui va le transporter, mtu atakayembeba, l'amener na kumpeleka dans les zones rouges, ndani ya l'amener dans les zones de défis, ndani ya eneo la matatizo, ndani auprès ampeleke des défis, karibu na hizo matatizo, même dans ta propre vie, hata ndani ya maisha yako wewe mwenyewe. Et le défi de la somnolence dans l'église. Na hata tatizo ya kusinzia ndani ya kanisa. Est-ce que vous somnolez? Si mnasinzia. N'avez-vous pas perçu Dieu qui est présent ce soir? Je mkona Mungu ambaye yuko hapa jioni ya leo. Je parle à quelqu'un. Je naongea na mtu. On acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois les écritures sont terribles. Mara maandiko yako hatari. Dans Psaume 68 verset 28, il est écrit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ndani ya kitabu cha Zaburi 68 mstari wa 28 maandiko Mungu wako anaamuru kwamba uwe mwenye uwezo. Comment serais-je puissant? Namna gani nitakuwa mwenye uwezo? D'où vient la puissance? Uwezo huo unatokea wapi? Dans la présence puissante. Ndani ya uwepo wenye uwezo. Dieu dans ma vie. Wa Mungu maishani mwangu. Alors, sasa hapo, essayons de voir. Tupime kuona. Quel est le problème? Shida ni gani? Le point c'est. Nukta ya tatu. Que nous devenions. Ni kwamba tuwe. Les représentants du Créateur sur la terre. Wakilisi wa Mungu porteurs du divin. Duniani, tunaobeba Mungu. Porteurs de son autorité. Tunaobeba extension de lui-même. Tunakuwa endeleo dans les coins et les recoins de la terre. Ndani ya eneo zote. Deuxièmement. Ya pili, que nous devenions co-gestionnaires. Tuwe wale wanaotawala pamoja. Co-gestionnaires humains et spirituels. Wale wanaochunga pamoja. Des objectifs et de la vision de Dieu dans le monde. Kwa kianadamu na kiroho. J'aimerais te répondre pour te dire c'est possible donc. Aujourd'hui, c'est encore possible. Leo ingali inawezekana. C'est encore possible. Ingali inawezekana. Dieu poursuit son rêve. Mungu anafuatilia ile maono yake. Suivez-moi bien. Munifuate vizuri. Dieu poursuit son rêve. Mungu anafuatilia maono yake. Jusqu'à l'heure où je parle. Mpaka wakati ninapoongea. Il veut avoir sur la terre. Anahitaji awe duniani. Des hommes. Na wanaume. Des femmes. Wanawake. Qui sont remplis de lui. Ambao wanajaa yeye. Au lieu que lui-même soit venu sur la terre. Pahali yeye mwenyewe akuje duniani. Pour y rester. Ili kwamba baki. Physiquement. Kwa mwili, il y a eu changement de carte. Kulikuwa mabadiliko. Il a décidé de fabriquer un homme. Akaamua kumtengeneza mwanadamu. En qui il va se télécharger. Ambamo ndani mwake atajipakiza. Et que cet homme va jouer le rôle. Na kwamba huyu mtu lui-même allait jouer sur la terre. Ataanza kufanya kazi ambayo yeye mwenyewe angeifanya hapa duniani. Sasa. Premier petit A. Nukta ya kwanza. Ndogo. Essayons d'avoir un regard sur le cœur de ce Dieu qui a un rêve. Tupime kutazama moyo wa huyu Mungu ambaye anakuwa na maono. Comment est le cœur de ce Dieu? Moyo wa Mungu huyu uko namna gani? Bwana sifiwe. Amina. Comment est le cœur de ce Dieu? Moyo wa huyu Mungu uko namna gani? Il y a trois choses. Kuna vitu vitatu. Qui révèlent ambavyo vinafunua la nature du cœur de Dieu. Asili ya moyo wa Mungu. La première. Kitu cha kwanza. Amour. Upendo. La deuxième. Ya pili. La bienveillance. Wema. La troisième. Ya tatu. La promotion. Tu peux dire avec moi. Unaweza sema pamoja nami. Amour. Upendo. Bienveillance. Wema. Promotion. Na kuinua. Tu peux le dire comme un homme. Unaweza kuisema kama mwanaume. Upendo. Un peu plus comme un homme à haut standard. Kama mwanaume wa kiwango cha juu. Un homme qui a un standard d'esprit élevé, on peut le dire. Mwanaume ambaye anakuwa na kiwango cha juu cha roho anaweza kusema. Pourquoi ton âme est-il abattue au-dedans de toi? Sababu gani on peut le dire avec force, s'il vous plaît. Amour, upendo, bienveillance, wema, na kuinuliwa. Absolument. Ni hivyo. Tu cherches à découvrir le cœur de Dieu, le voilà. Unatafuta kugundua moyo wa Mungu, ndiyo huo. Regardez. Tazama. L'amour upendo de Dieu upendo wa Mungu est apparu à deux phases. Umetokea kwa viwango mbili. La première phase de l'amour de Dieu, hatua ya kwanza ya upendo wa Mungu, c'est l'amour avant la chute. Ilikuwa ni upendo mbele ya kuanguka. On est d'accord. Tunakubaliana. Cet amour, upendo huo, qui contient le projet de la création de l'homme. Ambamo ndani mwake muna mradi wa kumuumba mwanadamu. Cet amour contient, upendo huo, les calculs divins. Ndani mwake muna hesabu za Mungu. Cet amour contient, upendo huo, una ndani mwake, la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, de donner à l'homme, kwa ajili ya kumpa mwanadamu, une particularité amupe upekee par rapport à toutes les créatures. Upatana na viumbe vingine vyote. Il en va de l'amour. Na inatokea ndani que parmi toute la gamme des choses qui sont créées, des êtres qui sont créés, miongoni mwa vitu vyote vinavyoumbwa, nous soyons devenus l'être spécial. Tukakuwa kiumbe ambacho ni tofauti. Dans toute l'existence. Kiumbe maalum ndani ya viumbe vyote. Dans toutes les choses que Dieu a fait exister. Ndani ya vitu vyote ambavyo Mungu aliumba akaamua. De faire de l'homme. Kuumba mufanye mwanadamu. Un être spécial. Kuwa mtu maalum. Regardez. Tazama. Dieu t'a aimé, Mungu amekupenda, avant de te créer. Mbele ya kukuumba. Dieu nous a aimé, Mungu ametupenda, quand nous étions encore une idée. Wakati tulikuwa tungali wazo. Il nous a beaucoup aimé. Alitupenda sana. Est-ce qu'il y a ici un frère? Je hapa kuna ndugu. Qui est jeune, qui n'est pas encore fiancé? Ambao ni kijana hajakuwa mchumba. Je peux vous voir. Naweza kuwaona. Bona mungu mamingi. Vous êtes nombreux. On va voir les chèvres et les vaches. Tutakuwa na mambuzi. Alléluia. Na mangombe. Imaginez ce frère. Angalia huyu. Qui désire se marier. Anatamani kufunga ndoa. Et qui vient dans un mariage. Na kisa anakuja ndani ya ndoa. Et il voit que c'est beau. Anona kwamba kabisa ni kupendeza. C'est merveilleux. Ni ya kufurahisha. Comment tu te sens? Unajisikia namna gani? Tu commences à aimer, unaanza kupenda, la fille, ule binti, qui n'existe pas, ambaye hajakuwa. C'est arrivé à Dieu. Ilimufikia na Mungu naye. Dieu a commencé à aimer un être. Mungu alianza penda mtu ambaye avant la fondation du monde. Hajakuwa mbele ya kuumba dunia. Anampenda mtu. Je veux aimer quelqu'un. Napenda nimpende mtu. Mais c'est quelqu'un, je l'aurai comment? Lakini ule mtu nitampata namna gani? Je vais le créer moi-même. Nitamumba mimi mwenyewe. Et il a beaucoup aimé cet être humain, cet être. Na alimpenda sana ule mtu. Et quand il a aimé, na alipompenda, il a commencé à définir ce que sera cet être-là. Akaanza kuandaa ule mtu atakuwa. Il a commencé à définir comment il va l'amener à l'existence. Akaanza kuandaa namna gani atamleta. Et pour avoir cet être-là, na kwa ajili ya kuwa na mtu huyo, le créateur, muumbaji, a décidé, akaamua, de créer l'univers. Akaumba ulimwengu. Savez-vous, je mnajua, que c'est à cause de l'existence de l'homme, ni sababu ya cet univers actuel que nous voyons, ndipo ulimwengu tunayoona leo, iliweza kuumbwa. Le jour, siku, où nous allons quitter ce monde, ambao tutatoka ndani ya dunia hii, il est écrit dans Apocalypse, imeandikwa ndani ya kitabu cha Ufunuo, et je vis les cieux et la terre s'enfuir devant moi. Nikaona mbingu na dunia zikikimbia mbele za uso wake. Il va plier l'univers comme un étoffe. Na Biblia nasema Mungu atakuza dunia kama vile mrago. Il va jeter ça dans l'enfer. Comment tu jettes ça? Il y a l'or dedans, il y a les diamants dedans. Il dit, je jette ça. Ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus utile. Je vais fabriquer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Qu'est-ce qui se passe? L'être spécial que j'ai aimé et pour qui j'ai fabriqué tout ça, le soleil, les étoiles, il n'est plus dedans. On peut acclamer l'amour de Dieu. Tunaweza shangilia upendo wa Mungu. Quel amour. Upendo gani? Et dans cet amour, ndani ya upendo huo, il n'y a pas de notion de réparation ou de péché. Hakuna mambo ya kutengeneza ama zaki. Il n'y a pas de notion de rectification. Hakuna mambo ya kurekebisha. Jean 3:16. Yohana 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde. Mungu aliupenda sana ulimwengu. Tunaweza sema pamoja nami. Qu'il a donné son fils unique, afin quiconque croit lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Regardez la première partie. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les êtres humains. Mais la suite, c'est une histoire de réparation. Il aime par rapport à une réparation à effectuer. Anapenda kufuatana matengenezo ambayo inapasha kufanyika. Mais au commencement il n'en était pas ainsi. Lakini mwanzoni haikuwa hivyo. Au commencement il nous a aimé. Mwanzoni alitupenda. Sans une notion d'arranger une situation. Bila kuwa na sababu. Sans une notion de réparer quelque chose. Kitu fulani bila kuwa. Il nous aime seulement. Anatupenda tu. Nous n'existons pas encore. Il nous aime. Il trace le décor. Il prépare là où nous allons habiter. Il fixe les conditions. Il établit le firmament. L'atmosphère. La couche d'azote. Et il met sur la terre tout le nécessaire. Et il ordonne à l'univers de nous servir. Le soleil envoie ses offrandes depuis ce matin. N'est-ce pas? La vitamine D. Vitamine D. Le soleil a reçu des instructions. Tu vas envoyer les offrandes à l'homme. Utatumia sadaka zako kwa mwanadamu. La lune. Mbaramwezi. Les étoiles. Nyota. Ils sont à notre service. Wako wanatutumikia wote. Imaginez. Fikiria. C'est cet être humain que Dieu crée. Kwamba huyu mwanadamu ambaye Mungu anamuumba. Il lui donne des dotations. Anampatia vifaa. Naturel d'intelligence. Anampatia akili. Pour vous montrer que kwa kuonyesha kwa tout l'univers a été créé pour nous. Ulimwengu yote imeumbwa kwa ajili yetu. Dieu donne à l'homme. Mungu anampatia mwanadamu. La capacité intellectuelle. Uwezo wa akili. De créer des matériaux. Wa kuunda dans lesquels il va entrer. Ambamo ndani mwake ataingia. Et peut aller chez la planète voisine, il peut aller chez les voisins. Kisha anaweza enda kwa sayari ambayo ni jirani yake. Et part à la lune. Anaenda kwa mbaramwezi. Il part pas par un songe. Haende na ndoto. Concrètement. Anaenda kikweli kweli. Ils essaient d'envoyer des trucs sur Mars. Wanatuma vitu kwenye Mars. L'homme. Mwanadamu tu. Avez-vous les gorilles faire ça? Je mmeshaona sokomutu kifanya hiyo. L'homme. Mwanadamu. Et qu'est-ce que nous dirions de Jean 3:16? Na tungesema nini juu ya Yohana 3:16? Avant Genèse chapitre 3. Mbele ya mwanzo sura 3. Est-ce qu'on peut définir quelque chose? Je tunaweza kuongelea kitu fulani? La première partie va certainement rester. Sehemu ya kwanza kinaweza kubaki. Maana Mungu amependa sana ulimwengu. Sasa reste. Hii inabaki. Quelle sera la suite? Itakayofuata nini? Il a donné son fils? Alitoa mwana wake? Non. Hapana. Il n'y a pas de fils à sacrifier. Hakuna mwana ambaye atamtoa. Il n'y a pas de défi. Na hakuna tatizo. Il n'y a pas de problème à régler. Hakuna shida ya kutatua. Car Dieu a tant aimé le monde. Maana Mungu ameliupenda sana ulimwengu. Qu'est-ce qu'on va trouver? Tutapata nini? Vous voulez que je vous propose quelque chose? Mnahitaji kwamba ni wapendekeze kitu fulani. Je vais vous proposer quelque chose. Je sais que vous êtes très intelligent, allez-y. Najua mko na akili sana, twende pamoja. Proposez-nous quelque chose. Car Dieu a tant aimé le monde. Maana Mungu alipenda sana ulimwengu. Quoi ensuite? Nini baadaye? Eh, président. Il a mis l'homme dans le jardin d'Eden. Akamweka mwanadamu ndani ya bustani ya Edeni. Il a mis l'homme dans la vie éternelle. Il a créé toutes choses en sa faveur. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame ce Dieu. Il nous a tant aimé. Il est tellement aimant. Vous savez. Unajua. Lorsque nous disons à nos femmes mon amour. Tunapoambia wake zetu mpenzi wangu. Ça pèse pas. Haina uzito. Elle n'est pas tellement digne de cette phrase là. Hastahili sana ile msemwa. Quand tu dis à ton mari mon amour. Unapomwambia mume wako mpenzi wangu. Il ne mérite pas ça. Aïstaï. Celui à qui on devait dire mon amour. C'est Yahweh lui-même. Ni Yahweh mwenyewe. Éternel mon amour. wa milele, parce que au moins lui nous a aimé en fait. Sababu yeye kabisa alitupenda. Tu as aimé ta femme, c'est vrai, tu as fait, tu as fait. Wako, ndio ni kweli, umefanya, ça n'équivaut pas ce que Dieu a fait pour lakini, nous aimer. Hailingane ila ambao Mungu amefanya kwa ajili. Nous pouvons donc dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a organisé l'univers pour le mettre au service de l'homme. L'homme qu'il a créé à son image. Afin que, vous voyez, dans Jean 3:16, il y a afin que. Unaona ndani ya Yohana 3:16 kuna ili kwamba. Afin que ili kwamba cet homme ule mtu soit le reflet de sa gloire awe, picha ya utukufu wake, dans la création ndani ya uumbaji, et l'empreinte de sa personne na chapa ya utu wake, sur la terre et dans les cieux. Duniani na mbinguni. Voilà les Jean 3:16 de ce moment-là. Tazama Yohana 3:16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, na Mungu, il aime vraiment. Anapenda kabisa. Mais dans son cœur, lakini ndani ya moyo wake, la deuxième facette, c'est la bienveillance. Inakuwa ni wema. Regardez la bienveillance dans tout ça. Tazama wema ndani ya hii yote. Dans son amour, ndani ya upendo wake, pour l'homme, kwa ajili ya mwanadamu, qu'il n'a pas encore créé, ambaye hajamuumba bado, il prépare l'univers anaandaa ulimwengu comme signe de sa bienveillance sur cet homme qui va arriver. Kama vile alama ya wema wake kwa ule mtu atakayefika. Vous voyez, quand vous voulez vous marier, habituellement, kati unatafuta kuoa mara, vous achetez une parcelle, unanunua kiwanja, vous achetez un matela, unanunua godoro, vous louez une maison, unapanga nyumba, vous préparez des assiettes, unatayarisha masahani, vous faites des choses, unafanya mambo. Comment vous appelez tous ces gestes-là? Unaita vitendo vyote namna gani? C'est la bienveillance pour votre femme. Inakuwa ni wema kukesha vizuri juu ya mke wako. Et quand les amis viennent, na wakati marafiki wanakuja, ils trouvent des vides. Wanakuta, dit, mais ici ça devait, oui, ma fête, quand ma femme va venir, unasema, il faut que moi, ça sera déjà là. C'est quoi la chose? Ile la bienveillance. Ni tu peux encore dire avec moi, juu, amour, bienveillance, sema, upendo, wema, promotion. Kuinua. Alors regardez la bienveillance dans cette expérience là. Tazama sasa wema ndani. Dieu a préparé les conditions optimum de vie. Mungu ameandaa shurti nzuri kwa kuishi. L'homme avant de le créer. Kwa ajili ya mwanadamu mbele ya kuumba. Ya pili. Et lui a offrir, lui offrir la nature qui lui permettra de bien être en relation avec Dieu. Anamtolea, je le crée à mon image. Anamupatia asili ambayo tamuraisisha kujadiliana vizuri naye. Je voudrais être avec cet homme là. Ayombe wakati nitatafuta kuwa na uhusiano na huyu mtu mambo isikamate. Bienveillance. Wema. 3. Ya tatu. Quand l'homme chute, wakati mwanadamu anaanguka, Dieu lui réserve une voie de sortie. Mungu anamwandalia njia dans Genèse 3:15. Ya kuokoka ndani ya kitabu cha Mwanzo 3:15. Quand l'homme a déjà chuté, wakati mwanadamu la bienveillance de Dieu le pousse à poursuivre l'homme et à l'accompagner là dans la chute. Wema wa Mungu unamsukuma msindikize mwanadamu na msindikize huko ndani ya kuanguka. Il vient pour lui habiller. Anakuja kwa ajili ya kumvalisha. Il tue un animal afin que cet homme soit couvert. Na naua nyama ili kwamba ule mwanadamu avikwe. Il envoie le seul sauveur. Ya tano anatuma mwokozi. Je pourrais dire le seul sauveur possible. Mokozi moja amba. Parce que quand Jean crie, qui va saisir le livre? Sababu Yohana anaposema nani atashika kitabu? Il est écrit, personne ne fut trouvé. Biblia inasema hakuna aliyepatikana. C'est-à-dire la seule possibilité qu'il y avait. Ni kusema uwezekano moja uliokuwapo. Ni mwana wake wa pekee aliyekuwa naye mbinguni. Dieu doit faire des gymnastiques. Na Mungu sheti afanye mazoezi. Que ce fils ili kwamba ule mwana devienne un être humain. Aenda kawe mwanadamu. Il naisse dans une vierge. Azaliwe ndani ya bikira. Bienveillance. Uwema. 6. Ya sita. Et il prépare à l'homme. Anamwandalia mwanadamu. La possibilité d'une éternité de gloire. Uwezekano wa kuwa na umilele wa utukufu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La promotion. Kuinua. Quand vous lisez toutes ces choses, unaposoma mambo haya yote, transparaît la promotion. Ndani mwake munaonekana kuinua. L'homme devrait être une créature comme les autres. Mwanadamu angepasha kuwa kiumbe kama vingine. Mais Dieu lui donne la promotion d'être la créature spéciale. Lakini Mungu anamuinua kuwa kiumbe maalum. La créature à qui appartiennent la terre et les cieux. Kiumbe ambaye mbingu na dunia ni la créature à qui kiumbe ambayo répond l'univers ambao ulimwengu wote inatumikia. Simuchapie bwana makofi. Créature mwenyewe ni mweye. En fait, la créature en question c'est qui? Ile kiumbe ni nani? C'est qui? Ni nani? C'est nous en fait. Ni sisi. Et puis, promotion, na kisha kuinua, il le crée à l'image et à la ressemblance de lui-même. Anamuumba kwa mfano wake na anayemfanana. Trois, ya tatu, il rend cet homme héritier de l'univers. Anafanya ule mtu awe mrithi wa ulimwengu. Et co-gestionnaire avec lui-même. Na atawale pamoja na yeye mwenyewe. Quatre, ya ine, il va les sauver non pas au moyen d'une chèvre. Atamuokoa pana kupitia mbuzi. Ou d'un agneau. Ama mwana kondoo. Il va faire tuer son propre fils. Atamuisha mwana wake mwenyewe. Pour que l'homme en question. Ili kwamba ule mtu soit sauvé. Aenda kaokolewa. Quelle promotion. Kuinuliwa na namna gani? Il élève l'homme. Anamuinua mtu. Dans la même valeur que son propre fils. Kwa thamani moja na mwana wake. Promotion. Kuinua. Tu peux dire encore avec moi. Naweza sema pamoja nami, bienveillance, upendo, promotion. Uwema na kuinua. Promotion. Kuinua. C'est aussi que cette créature. Ile kiumbe. Dieu lui prépare une place au ciel. Mungu anamuandalia nafasi mbinguni. C'est aussi que cette créature. Ile kiumbe ile. Dieu lui donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et ainsi de suite. Uwezo wa kutembea juu ya nyoka na juu ya nge na uwezo wote wa shetani. C'est aussi que cet homme avec qui Dieu veut fonder une famille éternelle. Ni pamoja na mtu ambao Mungu anapenda. Je veux fonder une famille éternelle avec. Nahitaji nitengeneze jamaa ya milele pamoja naye. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Tazama hekalu la Mungu pamoja na wanadamu. Atakaa pamoja nao. Ses fils. Watakuwa wanawake. L'homme. Mwanadamu. Promotion, c'est aussi que Dieu veut collaborer pour gérer la création et les objectifs divins. Mungu anatamani kushiriki pamoja naye kwa ajili ya kuongoza uumbaji na shabaha za Mungu. Alléluia. Amen. Vous voyez mes frères. Unaona ndugu zangu. Si tu cherches le cœur de Dieu. Ukitafuta moyo wa Mungu. Le voilà. Tazama. Ça s'appelle. Ndio hiyo inaitwa amour. Upendo. Bienveillance. Uwema. Promotion. Na kuinua. Pourquoi nous envoyons il nous envoie sur la terre. Sababu gani anatutuma duniani? Quel est le cœur avec lequel il désire que nous allions pour le répandre sur la terre? Ni moyo gani ambao unahitaji twende pamoja nao ili kwamba tujaze duniani? Amour, ni moyo wa upendo et promotion. Ni moyo wa wema na tu vas être porteur de Dieu. Utambeba Mungu. Tu vas être celui à qui est rempli les différentes dotations divines. Utakuwa yule ambaye ndani mwake mnajazwa. Avec quel cœur tu vas les répandre? Pamoja na moyo gani utaweza kuvijaza duniani? Pamoja na upendo, pamoja na kuinua na pamoja na wema. Est-ce que vous voyez ça? Je, mnaona hii? Le jour où siku ambayo tu réussis unaweza à avoir ces trois choses dans ton cœur. Kuwa na hivi vitu tatu moyoni mwako. Tu décolles. Unapanda. Tu décolles vers les standards élevés en question. Unapanda kwenye viwango vya juu. Parce que tu vas regarder ta femme. Sababu utaangalia mke wako. Avec amour. Pamoja na upendo. Bienveillance. Pamoja na wema. Et promotion. Na pamoja na kuinua. Il y a pas égoïsme dedans. Ndani mwake hamna uchoyo. Tu vas regarder les habitants de Goma. Utaona wakaaji wa Goma. Avec amour. Pamoja na upendo. Bienveillance. Wema. Et promotion. Na kuwainua. Tu vas regarder les âmes que tu encadres. Utaona zile nafsi unazo ziangalia. Non pas comme tes sujets. Hapana kama vile watumishi wako ambao unaweza kuambia vyote unavyotaka. Mateka yako. Tu vas les regarder avec amour. Lakini utawaangalia na upendo. Bienveillance. et promotion. Wema na kuinua. Vous voyez quand certains serviteurs marchent sur les chrétiens. Unaona wa watumishi wa moja wanapotembelea wa Kristo. Pour les délivrer. Kwa ajili ya kuwafungua. Ou quand ils les massacrent avec des frappes. Ama wakati wanawangamiza pamoja na kuwapiga wanawaangusha. Certaines fois ils les poussent pour qu'ils tombent. Mara ingine wanawasukuma ili waanguke. Où est amour, bienveillance et promotion. Upendo iko wapi? Wema iko wapi na kuwainua iko wapi? Avez-vous observé tous ces abaissements? Je, mmeangalia hizi kushusha watu ambao wanamshusha, wanamdharaulisha mwanadamu. Le cœur de Dieu est différent. Moyo wa Mungu uko tofauti. Amour, upendo, bienveillance, wema, promotion. Na kuinua. Homme pilier. Mwanaume nguzo. Reçois le cœur de Dieu. Pokea moyo wa Mungu. Développe le cœur de Dieu. Wendo kakomalishe moyo wa Mungu. Et les choses vont déjà autour de toi-même changer. Na mambo karibu na wewe yatabadilika. Même tes enfants te diront. Hata watoto wako watakwambia. Papa. Baba. Tu as changé. Umebadilika. Regarde tes enfants avec amour. Angalia watoto wako kwa upendo na wema. Et promotion. Na kuinua. Regarde ta femme. Angalia mke wako. Avec amour. Pamoja na upendo. Bienveillance. Wema. Et promotion. Na kumuinua. Regarde tes disciples. Angalia wafuasi wako. Regarde ton pasteur. Angalia mchungaji wako. Avec. Pamoja na. Regarde la ville de Goma. Angalia mji wa Goma. Tu vois quoi? Unaona nini? Tu te vois dedans? Unajiona ndani? Amour, bienveillance. Upendo wema. Promotion de la ville de Goma. Kuinuliwa kwa mji wa Goma. Bienveillance envers la ville de Goma. Wema mbele ya mji wa Goma. Regarde ton avenue. Angalia na amour, bienveillance, protection. Wema na. Il y a plein de herbes dans l'avenue. Kisa majani. Il y a plein de poubelles ndani ya barabara. Tu peux même appeler les gens qui ramassent les poubelles, tu les appelles, ils arrangent ton avenue. Qu'est-ce que tu fais? Kuna yalalo, unaweza kuita hata watu wanakuja kuondoa ile yalalo. Le cœur de Dieu en toi. Moyo wa Mungu ndani mwako. Commence à fonctionner. Inaanza kutumika wakati unafanya hivyo. Nous sommes des chrétiens. Sisi ni wa Kristo. Qui sont devenus dégoûtants pour Dieu. Ambao tumekuwa hatuna tena utamu mbele za Mungu. Parce que sababu où est le cœur de Dieu en nous? Moyo wa Mungu uko wapi ndani mwetu? Upendo. Bienveillance. Wema. Protection. Na ukingo. Promotion. Kuinuka. Dans ton entreprise où tu travailles. Ndani ya kampuni lako ambamo unatumika. Tu vois ça? Je unaiona? Amour. Upendo. Bienveillance. Wema. Et protection. Na kuinua. Promotion. Kuinua. Hallelujah. Amen. Seigneur. Bwana. Comment vais-je m'exercer? Namna gani nitajizoweza? À être ton empreinte. Sur la terre. Kukua chapa yako duniani. Déjà, le monde a besoin de te voir. Dunia inahitaji kuone. Et je veux être ton transporteur. Nahitaji niwe yule anayekubeba. Mais comment je fais? Lakini nafanya namna gani? Je veux ton empreinte. Nahitaji chapa lako. C'est-à-dire celui qui laisse les marques de Dieu. Yamaanisha ule ambaye anaacha alama za Mungu. Celui qui quand il passe. Ule ambaye wakati anapita. On a chanté ici tango ale kaka tika kabilembo. Tango Yesu ale kaka tika kabilembo na yeye. Ilembo ndeni. Empreinte. Empreinte. Chapa. Siko Yesu aleka kawapi. Sasa Yesu alipita kawapi? Ya beaucoup de Yesu ici no. Siku na wa Yesu wengi hapa. Regarde le Yesu qui est à côté de toi. Naweza angalia Yesu ambaye yuko pembeni yako. Muimbie mwenzako, muimbie, muimbie. Chante pour lui. Tango Yesu aleka ka atika kabile. Si enjoy Yesu sasa. Muimbie basi. Chante pour lui. Atika kabile mbonaye. Leloyo. Leloyo akotika lelo bilembo. Hommes piliers, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, les hommes piliers? Il faut yapaswa que l'empreinte de Christ, chapa ya Kristo, or Christ, ijapokuwa Kristo, est l'empreinte de son Père. Ni chapa ya baba yake. Et en nous, na ndani mwetu, nous allons laisser les empreintes de Christ, tutaacha chapa za Kristo, qui ne sont rien d'autre que les empreintes du Père. Ambazo ni chapa za baba. Seigneur, aide-nous. Bwana utusaidie. J'aimerais que ce soir, ningependa jioni ya leo, quelqu'un court avec les empreintes de Christ. Mtu endaka timbie pamoja na chapa za Kristo. Que quelqu'un doit prendre ces données que nous voulons partager. Nafikiri kuna mtu ambaye anapaswa kuchukua habari hizi courir avec la semaine prochaine dans une retraite. Na timbie wiki ijayo ndani ya kipindi cha maombi. Cours dans une retraite. Timbie ndani ya kipindi cha maombi. Pour travailler ces choses. Ili utumike juu ya mambo haya. Afin que Seigneur, ili kwamba Bwana, j'aimerais le devenir. Nahitaji nikuwe. C'est des empreintes de ce que tu n'es pas ou que tu n'as pas. Na ila ambayo hauko ama ila ambayo hauna. Ce message n'aura pas d'effet. Ujumbe hii haitakuwa si nous ne sortons pas d'ici kama tutoke hapa avec les empreintes en question. Pamoja na chapa hizi. Parce que l'empreinte on va laisser. Sababu ni chapa gani tutaiacha? Certains laissent l'empreinte de l'impudicité. Wamoja wanaacha chapa za uzinifu. L'empreinte de l'ivrognerie. Wengine wanaacha chapa za ulevi. L'empreinte du verre. Wengine wanaacha chapa za kikombe. Les empreintes, la méchanceté. Wanacha chapa c'est ça les empreintes. On te connaît comme ça. Wanakujua vile. On sait que wanajua si tu peux réussir à détourner l'argent de l'entreprise, kuiba pesa ya kampuni, il faut appeler tel. Itafulani. Il a les empreintes en question. Ndani mwake muna hizo chapa. Vous avez attendu ça? Meshasikia hiyo. C'est bon, muite collègue fulani, yeye ndo anajua gisi bila kwa. C'est lui qui connaît comment manipuler. Quelles sont tes empreintes? Chapa zako ni gani? Efficace. Wao una nguvu. En fait, il y a les empreintes. Ndani mwako mna chapa. Des voleurs. Za wizi. Mbona mnanyamaza? Pourquoi vous restez silencieux? Mais nous voulons les empreintes de Dieu. Lakini tunahitaji chapa za Mungu. À partir d'aujourd'hui. Kuanzia leo. Saint-Esprit aide-nous. Roho Mtakatifu tusaidie. Nous voulons avoir tes empreintes là. Tunahitaji tuwe na chapa zako. Autant envoyer sur la terre. Wamekutuma duniani. Que tu sois le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de la personne. Na chapa ya utu. L'empreinte, qu'est-ce qui est dans la personne de Dieu? Nini ambayo iko ndani ya utu wa Mungu? Venons de voir son cœur. Tumeona moyo wake. Amour. Upendo, bienveillance, uwema, promotion. Na kuinua. Allons-y. Twende. Nous exercer à développer kujisoelesha l'empreinte chapa de sa personne ya utu wake en nous. Ndani mwetu. Premièrement, ya kwanza, développer son être. Kukomalisha utu wake. Dans Jean 14, Jean chapitre 4 verset 19. Ndani ya Yohana 4:19. Plutôt verset 13 à 15. Mstari wa 13 tafadhali. Jésus parle avec la Samaritaine et dit: yes, celui qui boira de l'eau que je te donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Rappelez-vous Ézéchiel 47. Chemchemu ya maji itakayotiririka. Qui jaillira. Jusque dans l'éternité. C'est-à-dire, frère, à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo, la personne de Dieu, l'être de Dieu, utu wa Mungu, doit commencer à jaillir. Inapaswa anza kutiririka. Seigneur, aide-moi. Bwana nisaidie. Il faut que tu jaillisses. Yaomba utiririke. Au travers de moi. Kupitia mimi. Quand je sors pour aller au travail. Ninapotoka nikienda kazini. Quand j'entre dans un bus. Ninapoingia ndani ya basi. Ninapoingia ndani ya taxi. Il faut que ton être jaillisse. Yaomba utu wako utiririke. Quand j'arrive dans mon bureau. Ninapoingia ndani ya ofisi. Alors que les autres entrent en reculant dans leur bureau. Wakati wengine wanaingia kinyuma nyume. Conditions reçues chez le fétichiste. Moi j'entre librement. Mimi naingia na uhuru. Avec joie. Pamoja na furaha. Et mes employés. Na wanaonitumikia. Ou mes subalternes. Ama wale ambao wako chini yangu. Ils sentent Dieu jaillir. Wanasikia Mungu akitiririka. Ils sentent que Dieu vient d'arriver. Wanasikia kwamba Mungu amefika. Ils sentent que nous sommes bénis. Wanasikia kwamba ils sentent que il faut que le chef reste longtemps. Wanasikia kwamba quand ils te voient repartir dans le terrain ou aller quelque part, ils regrettent. Quand ils te voient revenir, ils savent que l'être de Dieu va jaillir. Utu wa Mungu utatiririka. Amen. Que Dieu te donne de jaillir. Acha Mungu akupe kutiririka. Amen. Seigneur, aide-moi. Quelqu'un voudrait prendre cette réalité, prendre cette vérité, cours avec dans une retraite. Pour dire, Seigneur, comment ça va fonctionner? Seigneur, comment je fais? Je veux que ton être jaillisse de moi. Je voudrais que mon entourage soit béni par ton être. Que les gens connaissent Dieu. Que les gens sentent Dieu. Il faut que tu jaillisses. Je ne voudrais plus te conserver. Aide-moi, Seigneur. Quelqu'un dit, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. La deuxième facette de son empreinte, de l'empreinte de sa personne, c'est son faire. Ni namna yake ya kutenda. Faire. Namna yake ya kutenda. Dieu Mungu est enclin dans son cœur. Ndani ya moyo wake. Et il est attaché anaambatana à résoudre les problèmes des humains. Anatafuta kutatua shida za wanadamu. Si tu cherches Dieu, kama unatafuta Mungu, tu vas le trouver en train de faire. Utamkuta akiwa anafanya mambo. En train de résoudre, de répondre à un besoin, de résoudre quelque chose. Il est en train de faire. Il est en train de travailler. Iko natumika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mon père travaille jusqu'à présent. Anatumika. Moi aussi je travaille. Baba yangu anatumika hadi sasa na mimi. Troisième aspect de son être, picha de sa tatu ya utu wake, sa sagesse, ni hekima yake. Tu veux chercher la sagesse, wahitaji kutafuta acquérir la sagesse de Dieu, kupata hekima ya Mungu, mettre la sagesse de Dieu au service de l'église, uanze tumikisha hekima ya Mungu au service des humains, uanze kuitumikisha kwa ajili ya wanadamu. Vous savez combien c'est beau, unajua namna gani ni ya kupendeza, quand on est sage et on vit de la sagesse de Dieu, wakati wewe ni mwenye hekima na unaishi hekima ya Mungu. Vous rencontrez des personnes, ils sont calmes, unakuta watu wako kimya, et devant des défis na mbele ya shida, il s'agit pas. Wao hawatikisiki. Il y a quelque chose de Dieu en lui. Kuna kitu cha Mungu ndani mwake. Et tu peux même te dire, mais ce frère est comment? Unaweza sema, huyu ndugu yuko namna gani huyo? Il a développé. Amekomalisha. Une facette de la personne de Dieu. Picha moja ya utu wa Mungu. Qu'on appelle la sagesse. Ambao wanaita hekima. La sagesse. Hekima. Vous lirez tous ces textes à la maison. Quatrièmement, son cœur. Moyo wake. Nous avons déjà parlé. Tumesha il est écrit dans Romains 8:32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui par sa grâce? C'est quoi ça? Hii ni nini? Amour, upendo, bienveillance, uema, promotion, na kuinua, développer le cœur, kukomalisha moyo, de Dieu, wa Mungu. Le monde attend, ulimwengu unangoja, que les hommes piliers terminent la covation. Kwamba wanaume nguzo wamalize kongamano hili. Ne vous inquiétez pas, vous allez constater, mutisikitike, mutagundua, que nos épouses vont être attentives, ya kwamba wake zetu watakuwa pour vérifier, ili kwamba wachunguze, si ces choses kama mambo haya sont en train de prendre forme en nous. Yako yanavaa mwili ndani. C'est pourquoi je dis, na ndio maana nasema, prends ces éléments, chukua mambo haya, cours avec dans un coin, kimbia nayo ndani ya eneo, et parle avec Dieu, ongea na Mungu, cherche Dieu, tafuta Mungu, dites Seigneur, sema Bwana, ça, hii, ça doit apparaître en moi, inapasha onekana ndani mwangu, hii, ça doit être ton empreinte, inapasha en moi, kuwa picha, ça, yako, je dois vivre chapa ça, yako ndani mwangu, hii inapasha kuishi, et je ne sortirai pas d'ici, na sitatoka hapa, jusqu'à ce que mpaka wakati, cette marque, hii chapa hii, soit en moi, iwe ndani mwangu. Bwana sifiwe. Amen. Sa vision, maono yake, si quelqu'un me sert, kama mtu ananitumikia, qu'il me suive, anifuate, saisir sa vision, kushika maono yake, courir avec ça dans le monde, kimbia pamoja nayo ulimwenguni, dans notre génération, ndani ya kizazi chetu, que ceux qui viendront après nous retrouvent les empreintes de la vision de Dieu dans notre famille, machapa ya maono ya Mungu ndani ya jamii zetu, watoto wa watoto wangu watasema, mon grand-père, Babu yangu avait la vision de Dieu. Alikuwa na maono ya Mungu. Grand-père me disait Babu yangu alikuwa ananiambia que ce que Dieu veut faire sur la terre c'est ça. Il ambao Mungu anahitaji kufanya duniani ni hii. Tu auras laissé l'empreinte de la personne de Dieu. Utakuwa umeacha chapa ya ujio wa Mungu. Ta génération. Ndani ya kizazi chako. 6 Yasita, ses objectifs. Ni shabaha zake. Mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Baba yangu anatumika hadi c'est-à-dire, sasa, nami natumika ya je manisha. Fais comme mon père. Nafanya kama je baba fais yangu. Comme Jésus. Nafanya kama Yesu. 7 Saba, son autorité. Ou mamlaka yake. Il est écrit, parle non comme les scribes, il parle comme ayant autorité. Imandikwa anaongea pana kama wanishi. Acquérir, développer, exercer l'autorité de Christ. Kukomalisha na kutumia pour mamlaka soumettre ya les ténèbres, kwa chini ya pour libérer les captifs, kwa chini ya pour changer la situation, kwa chini ya il faut que j'acquière l'autorité. Yaomba nipate mamlaka. 8 La science. Elimu. La science de Dieu. Elimu ya Mungu. Oh, profondeur de la richesse et de la science de Dieu. Ya utajiri na elimu za que Mungu. Tes voies sont incompréhensibles. Oh, njia zako haziwezi eleweka. Sikiliza. S'il existe science, kama kuna elimu, ça fait partie des empreintes de Dieu. Ni moja déjà, wapo l'univers tout entier ulimwengu wote nzima révèle inafunua que Dieu est passé par ici. Ya kwamba Mungu alipitaka hapa. Toi-même, wewe mwenyewe, tu es les reflets de la science de Dieu. Uko picha ya la manière dont tu me regardes. Namna unavyoniangalia. La manière dont tu attrapes ce que je dis. Namna ambavyo nashika les mécanismes qui fonctionnent dans ton cerveau. Vyote vinavyotumika les mécanismes qui fonctionnent dans ta circulation sanguine à ce moment. Matengenezo yanayotumika ndani ya kutembea. Ce sont les empreintes ndani ya mwili wako ni chapa. De la science. Za elimu. Elimu ya Mungu. Écoutez, sikiliza, les enfants de Dieu, watoto wa Mungu, ceux qui transportent Dieu, wanaombeba Mungu, ils doivent montrer wanapasha kuonyesha les empreintes machapa, ou l'empreinte de la science de ama Dieu. Chapa ya elimu ya Mungu. Je vous ai dit la fois passée, nimewaambia wakati uliopita, même quand vous avez un quotient intellectuel dit inférieur. Hata wakati wanadamu wanasema kwamba unakuwa na akili ndogo sio shida. Si tu comprends ça. Kama unaelewa hii. Et que tu demandes à Dieu. Na unaomba Mungu. L'empreinte de sa science. Chapa ya elimu yake. Tu vas t'étonner de toi-même. Atakupatia. Utana utajishangaa wewe mwenyewe. Hallelujah. Amen. Acquérir la science de Dieu. Kupata elimu ya Mungu. Apporter des solutions. Kuleta suluhisho. 9 Suluhisho mpya. Ses œuvres. Matendo yake. Empreinte de ses œuvres. Chapa ya matendo yake. Jésus dit à ceux qui l'écoutaient. Yesu anawaambia waliokuwa wakimsikiliza. Si vous ne croyez pas ce que je vous enseigne. Kama hamwamini ninayowafundisha. Croyez au moins aux œuvres que le Père est en train de faire. Muamini matendo ambayo Baba anatenda kupitia mimi. Si vous ne trouvez pas Dieu dans ce que je dis. Yamaanisha kama muone Mungu ndani yake. Trouvez-le au moins. Muimpate dans ce que le Père en question est en train de faire. Ndani ambayo Baba ule iko natenda. Et Jean-Baptiste lui envoie ses envoyés pour dire, dites-nous, est-ce qu'il est vraiment celui que nous attendions, le Messie? Et il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades guérissent, et la bonne nouvelle est annoncée, les œuvres. Alléluia. Amen. Tu veux laisser les empreintes de Dieu. Ça demande les œuvres. Mais comment aurais-je ces œuvres de Dieu? Cours dans une retraite. Cours devant Dieu. Recherche ça. Nous avons parlé hier que nous allons devenir des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ signifie la plénitude de Dieu en Christ qui vient en nous. La stature de Christ en nous contient tout ceci. Quand je demande à Dieu de me remplir, parfois nous avons l'impression que je demande à Dieu de parler à langue. Mais la réalité c'est ceci. Je demande à Dieu de me remplir de sa personne. Et quand Dieu le fait, l'indice parler à langue. Inakuwa ni kuongea kwa lugha. Parler à langue. kuongea kwa lugha. 10. 10. Sa toute puissance. Uwezo wake wote. Il s'étonne et s'écrie, Marc 4, 41, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, pour vivre et être celui qui fait jaillir la toute-puissance de Dieu? Que faut-il faire? Il faut chercher à vivre ses œuvres. Dans la vie des prières, dans la vie des sanctifications, nous demandons cela. Et Dieu nous le donne. 11. Porteur de son père. Il n'a cessé de rappeler, de répéter. Je ne fais rien que je ne vois mon Père faire. Tout ce que vous me voyez faire, c'est le Père qui le fait. Jésus, tu ne fais rien que ton Père n'ait fait. Tu ne dis rien que ton Père ne t'ait dit de dire. Tu transportes le Père. Bien-aimé. Et quand on pouvait écouter Jésus, on pouvait s'étonner. Et les femmes sont venues. Et ils lui ont dit, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Heri ile matiti iliyokunyonyesha. Tellement quand il parlait, alipokuwa anaongea, ça faisait jaillir la vie, ilikuwa natiririsha uzima, les paroles, maneno. Quand tu parles, unapoongea, qu'est-ce que ça produit? Inaleta nini autour de toi, karibu na wewe? Ça fait jaillir quoi? Inatiririsha la nini? Colère, ni les conflits, ni les démons, kukorogana, mapepo. Qu'est-ce que ça fait jaillir? Inaleta nini? 12. Kumina, porteur des paroles de son père. Mubebaji wa maneno ya baba yake. Les paroles de sa bouche sont vérité. Maneno ya kinywa chake ni ukweli. Quand il parle, anapongea, ça s'accomplit. Inatimilika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Wapendwa. J'aimerais parler au cœur de quelqu'un. Ningependa niongee na moyo wa mtu. Je n'ai pas besoin de vous sensibiliser. Sina haja ya kuwa kama vile niko na waitisha. Le message est clair. Ujumbe iko wazi. Si Dieu le permet, le samedi prochain, kama Mungu anaruhusu, nous allons poursuivre sur le sujet. Tutaendelea na mada hii. Le matin. Asubuhi. Et demain on va continuer sur le sujet. Na kesho taendelea na mada hii. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un. Lakini ningependa nimwambie mtu. La parole de Dieu lorsqu'elle est annoncée. Neno la Mungu linapotangazwa. Elle est vivante. Iko hai. Jésus a dit. Yesu kasema. Et la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Neno niliyowatangazia ni roho na uzima. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Nani aliamini la qui a reconnu le bras de l'Éternel qui était dans la parole? Nani ambaye ametambua mkono wa Bwana uliokuwa ndani ya neno? Je vous ai dit en introduction. Niliwaambia nilipokuwa nikiwa. Ezekiel chapitre 2. Ndani ya kitabu cha Ezekiel. Il est dit. Imandikwa. Lorsque Ezekiel y a entendu la voix. Wakati Ezekiel aliposikia sauti. L'esprit entra en lui. Roho kaingia ndani mwake. Mais esprit, tu étais où? Il fallait entrer avant que j'entende la parole. Quand il entendit la voix de celui qui lui parle, l'esprit entra. Et il le fit mettre sur ses deux pieds. Et il entendit la voix de celui qui parle. Et l'Éternel commença à lui donner des choses. Mes frères, si nous sommes Arshua, kama sisi ni wana memba wa kanisa, avec toute la perspective pamoja na mitazamo yote que Dieu nous a assigné, mitazamo wote ambao Mungu ametupatia, lumière des nations, ambao ni kuwa nuru ya mataifa, porteur de salut, wabebaji aux extrémités de la terre, hadi mwisho wa dunia, nous avons besoin de cette réalité. Tunahitaji ukweli huu. Et c'est maintenant. Na ni sasa. Ce n'est pas l'année prochaine. Haiko mwaka kesho. J'aimerais qu'on se lève un instant. Ningependa tusimame kwa muda. Quelqu'un veut commencer sa prière. Kuna mtu ambaye anahitaji kuanza maombi yake. Tu sais, tu vas continuer ta prière même la semaine prochaine. Najua utaendelea maombi yako hata wiki ijayo ama mais nyumbani. Mais j'aimerais que tu la démarres d'abord. Lakini ningependa uianze. Démarre ta prière. Anza maombi yako. Parce qu'il faut que sababu inaomba tu deviennes le co-gestionnaire ukuwa anayetawala pamoja de la vision, des objectifs les perspectives de Dieu. Il faut que Dieu commence à jaillir de toi. Il faut que la vie de Dieu, comme ce torrent qui coulait, commence à couler par toi, partout où tu passes, que ça déborde, que ça change les situations. Que là où il n'y a pas de vie, la vie commence. Que là où il y a la mort, elle est remplacée. Que là où il y a les conflits, la paix entre. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Les contenus de Dieu que tu transportes et qui constitue l'empreinte de la personne de Dieu. L'empreinte de la personne de Dieu. Mais je ne veux pas continuer avant de donner à quelqu'un l'occasion de donner sa vie à Jésus. Certainement tu as été là ce soir ou depuis qu'on a commencé, mais tu sais dans ton cœur que tu n'as pas encore donné ta vie. J'aimerais te donner une minute pour prier avec toi. Rapidement, lève la main, je prie avec toi. Et puis nous entrons dans cette prière. Si tu es là, je vais prier avec toi. Quelqu'un commence à chuchoter quelque chose devant les yeux. Tu veux donner ta vie à Jésus? Lève la main, je vais prier avec toi rapidement. Ekayaba chanta. Merci, merci. Asante. Prie avec moi et dites Seigneur. Omba pamoja nami sema Bwana. Je ne pourrai faire un pas de plus. Siwezi kufanya hatua hata moja. Si tu n'es pas venu dans mon cœur. Kama uje moyoni mwangu. Sauve-moi ce soir. Uniokoe jioni ya leo. Pardonne mon passé coupable. Samehe dhambi zangu. Inscris-moi. Na wendo kaniingize. Parmi les porteurs de Dieu. Miongoni mwa wanaombeba Mungu. Viens. Dans ma vie, viens dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Viens et sauve-moi. À partir de maintenant, je suis sauvé. Je te suivrai. Je ne me retirerai plus. Rien ne me retirera. Je marcherai avec toi. À partir de maintenant, tiens-moi la main, Seigneur, et accompagne-moi dans ce voyage. Au nom puissant de Jésus. À la fin du culte, vous allez venir vous mettre ici devant. On va parler rapidement avec vous. Levons nos mains ensemble, frère. Nous voulons commencer une série de prières. Quelqu'un dit avec moi, mon Dieu. Je ne savais pas que tu étais déçu de l'être humain. Je croyais que c'était normal. Je croyais que ce que nous vivions sur la terre était correct. Et le peu de gestes chrétiens que je faisais, je croyais que c'était suffisant. Mais durant ces trois jours, j'ai compris que j'ai besoin de toi. Que j'ai besoin que ça change. Car si tu devenais un homme, tu serais devenu moi. Et quand tu serais devenu moi, c'est le Dieu lui-même qui serait dans cet endroit en train de prier. Et même ma prière ne serait pas celle que je fais maintenant. Car l'Esprit lui-même prierait en moi. Oh Dieu, ce soir, je te prie, sensibilise ma conscience, ouvre mes yeux spirituels, afin que je voie la vérité, que je te connaisse, la vie éternelle qui te connaisse. Je veux te connaître, Seigneur. Oh, que mon esprit te connaisse, que mon âme te connaisse, que mon âme te connaisse, que mon âme te connaisse. Que mon esprit te connaisse. Toi le seul vrai Dieu. Wewe Mungu wa kweli. Oh mon sauveur et mon roi. Mokozi wangu. Ce soir je te prie. De toucher mon esprit. Guse roho yangu. Touche mon esprit. Guse roho yangu. Commence à prier. Demande ça. Anza kuomba. Touche mon esprit, Seigneur. Guse roho yangu Bwana. Touche mon esprit. Guse roho yangu Bwana. Touche mon esprit. Touche mon esprit, Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur. Touche mon esprit. Éternel mon Dieu, touche mon esprit maintenant. Je ne veux pas sortir comme ça. Je ne veux pas sortir comme ça. Touche mon esprit. Touche mon esprit. Touche mon esprit, Yahweh. Touche-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Touche mon esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je veux te connaître vraiment. Je veux te connaître concrètement. Je veux te connaître clairement. Je veux te connaître efficacement. Dans le nom de Jésus. Je te prie, le Seigneur. Tu me veux à un standard élevé. Tu me veux à un standard élevé. Un standard de nature. Un standard en nature. Tu me veux une nature élevée. Tu me veux une nature élevée. Tu ne me veux pas ordinaire. Tu me veux pas ordinaire. Tu ne me veux pas ordinaire. Tu veux mon élévation. Tu veux mon élévation. Tu veux mon élévation. Un standard supérieur. Un standard supérieur. Je veux ce standard. Je veux ce standard supérieur. Je veux ce standard supérieur. Je veux ce standard supérieur. Dieu de mon salut. Je veux le standard élevé. Je veux le standard élevé. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux le standard supérieur. Car il faut que tu paraisses, il faut que tu sois révélé au monde, il faut que le monde te touche, il faut que le monde te trouve, il faut que le monde accède à toi. Et moi je suis là comme l'instrument, voici l'instrument. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas m'arrêter là, Seigneur. Je veux avancer mes élévations multiples. Je veux que tu m'élèves dans les standards élevés. Élève mon standard. Élève mon standard. Élève mon standard et ta connaissance. Élève mon standard d'accès à ta personne. Et mon accès à toi, mon accès à ta personne, mon accès à ton être. Je veux, Seigneur, que tu accroisses ma capacité de te voir, ma capacité de t'accéder au nom de Jésus de Nazareth. Nous continuons à prier. Quelqu'un lève la main et dit, Seigneur, il faut que tu sois connu dans le monde. Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle? Comment verront-ils Dieu si je suis plat? Si je suis plat, si je n'ai pas ton contenu, comment connaîtront-ils ta puissance? Si je suis vide, comment connaître-t-il que tu guéris? Si je ne transporte la guérison, si je ne transporte les miracles, si je ne transporte les signes, si je ne transporte les prodiges, mon Dieu, je veux vivre ces choses. Tu l'as fait avec Pierre. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à être de ceux par qui tu vas exercer ta puissance, tu vas exercer ton autorité dans ma génération. C'est pourquoi je te prie, donne-moi ta puissance, répands ta puissance à moi. Vas-y, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance, tes capacités, tes signes, tes prodiges, en moi, à partir d'aujourd'hui, en moi, à partir d'aujourd'hui, en moi, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, roi de gloire, fais ton entrée, roi de gloire, les signes, le ministère de puissance, les signes, la science de Dieu. Oh, profondeur, profondeur, profondeur de la science, de la sagesse, profondeur de la connaissance, profondeur des ressources divines, profondeur de Dieu. Oh, profondeur de ta présence, profondeur de tes capacités, profondeur de ton être, profondeur de tes œuvres, profondeur de Dieu, profondeur de Dieu, au nom de Jésus, profondeur de dotation, dotation, dotation en puissance, dotation en grâce, dotation en œuvre. Il était puissant en action et en œuvre. Le royaume des cieux n'est pas fait de paroles seulement, mais de puissance. Libère ta puissance. Libère ta puissance dans la vie de tes fils et de tes filles maintenant. Libère ta puissance. Libère ta puissance maintenant au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu dans ton œuvre, dans ton être. Dans ton être, dans ton être intérieur, reçois la puissance de Dieu. À partir de maintenant, tu ne seras plus la même. Les défis s'inclinent. Les défis s'inclinent. Les défis s'inclinent. Les maladies s'inclinent. Les maladies s'inclinent. Les circonstances adverses s'inclinent devant toi. Quand tu t'avances, la puissance de Dieu soumet toutes choses. L'autorité de Christ transparaît en toi. Elle jaillit. L'autorité jaillit. La puissance de Dieu jaillit. La puissance de Dieu jaillit. La science de Dieu jaillit. Les richesses de Dieu jaillissent. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Et Makarabosana. Karamayashé. Tu continues à prier avec moi. Et tu dis, Seigneur Dieu, tu as envoyé ton fils Jésus sur la terre pour qu'il soit le reflet de ta gloire et qu'il soit l'empreinte de ta personne. Ce soir, je te demande cette grâce. Fais de moi le reflet de ta gloire. À partir de ce moment, à partir de ce soir, le reflet de ta gloire et le reflet, l'empreinte de ta personne. L'empreinte de ta personne. À partir de maintenant, je m'engage à être le reflet de ta gloire. Je refuse d'être le reflet d'autre chose. Je veux le reflet de ta gloire. Je refuse d'être l'empreinte d'autre chose. D'être l'empreinte de ta personne. C'est pourquoi je te prie, oh Dieu, mets ton empreinte en moi. Prie le Seigneur, mets ton empreinte en moi, Seigneur. Mets ton empreinte en moi. Mets ton empreinte en moi, Seigneur. Mets ton empreinte en moi, Yahweh. Mets ton empreinte en moi, Yahweh. Je suis disposé. Mets ton empreinte en moi. À toi, Seigneur, ton nom. Oh, de prier avec vous. Père céleste, Baba wa mbingu, du haut de ton trône, juu ya kwenye kiti chako cha enzi, je viens avec tes fils, nakuja pamoja na wana wako na binti zako. Dans le nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Tu m'as pas envoyé en vain. Haukunituma kwa bure. Ce soir, jioni ya leo, devant ton trône, mbele ya kiti chako cha enzi, après avoir parlé pendant trois jours, kisha kuongea muda wa siku tatu, tes fils, wana wako, après t'avoir écouté pendant trois jours, kisha kukusikiliza muda wa siku tatu, je conviens avec le Saint-Esprit, nakubaliana na Roho Mtakatifu, que chacun de ceux-ci, kila moja wa reçoive hawa, aenda kapokee la plénitude, utele de ta personne, wa utu wako, au nom de Jésus, kwa jina la Yesu, au nom de Jésus, kwa jina la Yesu, reçois la plénitude, pokea utele de la personne de Dieu, ya utu wa Mungu, au nom de Jésus de Nazareth, kwa jina la Yesu wa Nazareth. Père céleste, Baba wa mbingu, je prie, naomba, que notre société, kwamba mazingara yetu, qui attend jamii yetu inayongoja la manifestation des fils, kuonekana kwa wana et des filles de Dieu, na binti wa Mungu, dans cette génération, ndani ya kizazi hiki, à partir de ce soir, kuanzia jioni ya leo, reçoive, acha uende kapokee des hommes piliers, wanaume nguzo, des filles de Dieu, binti wa Mungu, qui viennent vers eux, wanaokuja mbele zao, qui libèrent, na mbao wanatiria, qui font jaillir, ambao wanatiririsha ta personne, utu wako, pour guérir les malades, kwa kuponya wagonjwa, pour sauver les perdus, kwa waliopotea, pour libérer les captifs, kwa kuwafungua wafungwa, pour assainir l'environnement, kwa kuweka, pour arrêter la pourriture, kwa kumalizisha, pour arrêter, Seigneur, le malheur, kwa kumalizisha ole, pour arrêter les malheurs, kwa kumalizisha ole, autour d'eux, en sortant de ces lieux. Donne à quelqu'un l'expérience de cette parole. Donne à quelqu'un l'expérience de cette parole. Oh Dieu, que ta vie jaillisse de chacun de nous. Donne à chacun, Seigneur, l'expérience de répandre ta vie. Que ta vie jaillisse, oh Dieu, à partir de maintenant jusque dans l'éternité. Et que plus personne ne sorte comme avant. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir des ténèbres qui avilissait la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le pouvoir maléfique qui retenait captif un homme et une femme, je brise ce pouvoir. J'arrête ce pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis. Je détruis les fondations de la bassesse, les fondations de l'abaissement, les fondations des ténèbres dans la vie des hommes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je libère cet homme qui a croupi pendant des années sous le joug de l'alcool. Je détruis la loi de l'alcoolisme. Je détruis la loi de l'ivrognerie dans son cœur, dans son esprit, parce que maintenant, ce qui jaillira de lui, c'est le débordement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois le débordement de l'Esprit. Je détruis ce soir les fondations de l'immoralité dans la vie de cet homme. Je détruis ces fondations. Je détruis ses racines. Je détruis ses ramifications. Je détruis ses attraits. Je détruis ses attractions. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je démolis ses racines. Et j'appelle la plénitude de la sainteté de la personne de Dieu. Au nom de Jésus. La plénitude du Saint-Esprit. À la place que la gloire de Christ se manifeste. Fais de lui le reflet de ta gloire. Plus jamais reflet de ténèbres. Plus jamais reflet de péché. Plus jamais reflet du mal. Au nom puissant de Jésus, bénis la suite de ce programme. Dispose-nous. Tuweke tayari. Toi qui as inspiré la parole. Wewe ambaye umevivia neno. Toi chacun en charge. Wendo kam hudumie kila moja. Amène-les dans les profondeurs. Na ukampeleke ndani ya vilindi. De ta connaissance. Ya kukujua. Seigneur, fais-nous devenir. Acha wendo katufanye kuwa. Ce que tu nous as parlé. Ile ambayo umetuongelesha. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Habitant président.